إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التمرين الخامس، اقرأ الأمثلة الآتية. اقرأ المثال الأول أبو بشير. لا، انظر هنا، المدرس جديد. جيد. أبو محمد، اقرأ المثال الثاني. ابن الزبير، اقرأ المثال الثالث. جيد. إذن إبراهيم، كيف نعرب إن حامدا متزوج؟ إبراهيم، كيف نعرب إن حامدا متزوج؟ Comment faire l'analyse grammaticale de إن حامدا متزوج؟ حامدا؟ Non, إن حامدا متزوج. اسم ليس اسم. حرف. حرف التوكيد. نعم. جيد. طيب، هكذا يكون إعراب هذه الجملة. طيب، لو قلنا مثلا إنك on met à la place de حامد، on met الضمير إنه حامد، إنه متزوج. إبراهيم، أبو عبد الله، كومون في إعراب دو إنه متزوج؟ لا، نصب. نصب في محل النصب. اسم إن، خبر إن بالضمة. إذن هكذا يكون إعراب إذا كان اسم إن ضمير. اسم إن استن برونو ضمير، يكون إعراب كوم أو فيان دو لو ديغ. مثلا أعيد الإعراب، إنه أو بيان نقول أون بخوا نوتر، إنك ذكية، أنت ذكية، نقول إنك ذكية. إن حرف توكيد ونصب، كي الضمير، كي نقول ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب اسم إن. ذكية، خبر إن مرفوع بالضمة. هكذا يكون الإعراب. واضح؟ فهمتم؟ طيب، نأخذ التمرين السادس. أدخل إن على الجمل الآتية واضبط أواخر الكلمات. Dans ce exercice, il faut ajouter inna sur les phrases suivantes. Abu Harun, ad-darsu sa'bun. Abu Muhammad, as-sayyaratu jamilatun. Pourquoi ajoute ha? Est-ce que dans la phrase on a ha? As-sayyaratu jamilatun. On n'a pas ha. Regarde dans l'exercice numéro 5. المدرس جديد، on a dit إن المدرس جديد، on a ajouté إن، c'est tout، et on a changé la terminaison du مدرس، au lieu de ضمة on a mis فتحة. فاطمة طبيبة، on a ajouté إن، on a dit إن، et on a changé la terminaison de فاطمة، et on a dit إن فاطمة طبيبة. Donc السيارة جميلة. أبو بشير. نعم. J'ai une question, Oustad, barakallahu fi. Non. Tout à l'heure, dans l'exercice, on a fait par exemple, on a fait « Huwa tajirun ». On a mis « Innahu tajirun ». Non. Pourquoi on n'a pas changé la terminaison, on n'a pas dit « Innahu tajirun ». Mais tu as entendu le Irab ou tu n'as pas entendu le Irab? On a mis… mais moi, l'Irab, je ne comprends pas très bien. Oui, mais dans le Irab, on l'a précisé que le dhamir, hu, si اسم إن منصوب. فهمت الآن؟ نعم. واضح. نعم. طيب جيد. نعم. طيب. نعم. القرآن. القرآن كتاب الله. أحسنت. وعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. وعبد الله بن الزبير. غازي أبو عبد الله تفضل. أحمد الريفي آمينة طالبة. أحمد الريفي أحسنت. ابن الزبير اللغة العربية سهلة. إبراهيم هذه الساعة غالية. كريم بلال غني. أحسنت. إن بلالا غني. محمد لمين المدير في الفصل. أبو خديجة الماء بارد. جيد. طيب إذن انظروا جيدا. غوغاردي بيان. السيارة جميلة. اوندي إن سيارة جميلة. إذن السيارة مبتدأ جميلة خبر. أبخي السيارة إن السيارة اسم إن جميلة خبر إن. نعم أحمد الريفي ماذا تريد؟ سي كوا تا كيستيون؟ اه وي alors ma question c'était des fois à la fin c'est quand qu'on met n donc إن حامدا. Là là pour te répondre à cette question Ahmed Ahmed pour te répondre à cette question je t'invite à réviser le tome 1 à revoir les enregistrements du tome 1. Parce que cela, on l'a dit dans le tome 1. C'est quand on dit, on prononce les tanwins à la fin, et c'est quand on ne prononce pas le tanwin à la fin. C'est ça. Donc, yani, pour les noms propres masculins, ism al-alam al-mudhakkar, en général, on prononce le tanwin à la fin. En général, hein, il y a quelques, yani, quelques, yani, le comment dirais-je le il y a barakallah avec il y a quelques exceptions mais en général les noms propres en arabe on, les noms propres masculins on met tanwin à la fin et il y a aussi le nom qui porte pas le nom on va parler barakallah avec le nom qui porte pas le l au début on le met le tanwin aussi en général hein, le nom qui ne porte pas l au début on le met tanwin à la fin. Sauf quelques exceptions, comme si Mouda, par exemple, si le nom qui ne porte pas elle, il est Mouda, on ne le met pas de tanwin. Mais, quand même, il faut yani, voir les enregistrements du tome 1, tu vas yani, entendre cela souvent dans les cours. Al-Tamrin al-Sabiq, wa fikum barak. Ta'ammal al-Mithalini, thumma kawin, jumalan mithlahuma, min al-Kalimat al-Atiya. Donc, regardez bien, observez bien les exemples, les deux exemples. Et après, il faut construire des phrases comme ces deux exemples. Al-Mithal al-Awwal, le premier exemple. Amin al-Hindi anta, Amin Pakistana. Al-Mithal al-Thani. A-Tabibun anta, Am-Muhandisun. Idan, hadihi jumla istifhami, c'est une phrase interrogative. Elle commence par harf al-istifham par le particule interrogatif a qui veut dire est-ce que et il y aura am harf atf am c'est un harf atf c'est un particule de coordination que yani الذي نستعمله في الجملة الاستفهامية on l'utilise que dans la phrase interrogative c'est comme au c'est pareil comme au au c'est pour la phrase affirmative الجملة المثبتة وأم c'est pour la phrase interrogative جملة الاستفهام et أو ou bien أم il sert à faire bien à choisir entre deux choses à choisir entre deux choses إذن الجملة الأولى أبو عبد الله non on positionne pas un ta au début regarde les deux exemples le pronom personnel il est أين هو il est où Au début ou bien au milieu? Ah oui. Un mujtahidun anta am kaslan. Ibn Zubayr. Regardez les deux exemples. Jayid. Amin al-Sini hiya Amin al-Yabani. Abu Bashir. Al-Jumla al-Thalitha, la troisième phrase. Tun. Anta, tabibatu masculin. Ibrahima. Abu Muhammad. C'est une question. C'est une question. La question commence par quoi? On a lu deux exemples. On a lu deux exemples. Et on a fait quatre phrases. Ça fait six exemples. Am, pas ou am. A masjidun hada, am madrasat. Karim. Abu Khadija. Abu Khadija. Amin Pakistana huwa Amin Iran. Pakistan et Iran, ce sont deux noms mamnou' min as-sarf. C'est pour ça qu'on met majrour bil fatha. Amin Pakistana huwa Amin Iran. Ibrahim, qarib baytuka am ba'id. Idhan fi hadha at-tamrin nata'allam kayfa nas'al. On apprend de ce exercice comment on pose une question si on a yani, le choix entre deux choses. Al-Jazairi huwa am min al-Maghrib. On ne sait pas yani, ces deux constructions, est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, une école ou bien un hôtel. Aqul amadrasatun hadhihi am funduqun. On apprend à poser la question. En utilisant A, qui est un harf istifham, un particulier interrogatif, qui veut dire est-ce que, et on utilise un harf atf pour yani, faire la différence entre deux choses sur lesquelles on pose la question. طيب تمرين الثامن تأمل الأمثلة الآتية لذو ذو من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة sont nombre de يعني أسماء الخمسة لين cinq noms. أخو أبوك أموك ذو إي فو وبيقول ذو مال إي فوك سي سانك نو إي ذو صاحب ذو بدير صاحب كون دي ذو مال صاحب مال سوليك يا يعني لي بيان. Toujours le mot qui vient après « dhu » il est « majrour ». Il est « ma'afun ilayhi majrour ». Regardez les exemples. Lis le premier exemple. « Bu'abdallah »« Iqra al-mithal al-thani, Karim »« Iqra al-mithal al-thalith, Muhammad ben Ali »« Iqra al-mithal al-rabi' Muhammad Lamin »« Iqra al-mithal al-khamis, Abu Muhammad » المسجد في حينا ذو منارة واحدة. المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة. Donc on dit ذو avec الواو. Quand on dit ذو c'est-à-dire il est مرفوع بالواو. Quand on dit ذو c'est-à-dire il est مرفوع بالواو. Il faut bien se rappeler de cela. Quand vous trouvez « dhu », c'est-à-dire le mot « dhu », il est « marfou' bil waw ». En fait, il suit le mot qui le précède. « Dhu », il revient au « al-masjid ». « Al-masjid » il est « marfou' bil dhamma ». Donc, comme « al-masjid » il est « marfou' »,« dhu » il vient « marfou' ». « Ahmadu »« Talibun dhu ilmin ».« Ahmadu » il est « marfou' ». Donc, « dhu » il est « marfou' » aussi. Regardez l'exercice numéro 9. اقرأ الأمثلة ثم حول الجملة الآتية مثلها. Lis l'exemple suivant. Le premier exemple, إبراهيم, lis-le. طيب, هذا طالب ذو خلق. أبو خديجة, lis l'exemple ب. ذو, pas ذو, ذو. Donc, ذَوُ, c'est le pluriel de ذُو. C'est le pluriel de ذو. اقرأ المثال الثالث أحمد الريفي. هذه الطالبة ذات خلق. نعم. ذات c'est le féminin مؤنث ذو. ذو مذكر et son féminin c'est ذات. أبو بشير اقرأ المثال الرابع. Oui, le quatrième, celui-là, sélectionné. Celui qui est sélectionné. Khuluqin. Khuluqin. Naam. Donc, dhawatu, c'est le pluriel de dhatu. Idhan. Fil mufrad al-mudhakkar. Dans le singulier masculin, on dit dhu. Wa al-mufrad al-jam' al-mudhakkar, afwan. Le pluriel masculin, on dit dhawu. ثم المفرد المؤنث on dit ذات le singulier féminin on dit ذات et le pluriel féminin on dit ذوات. Donc on va compléter ce exercice. هذا الرجل ذو مال كثير. Comment on dit pour le pluriel Mohamed Lamine? نعم هؤلاء الرجال ذو مال كثير. طيب المؤنث pour le féminin comment on dit Karim? جيد. اي الجمع المؤنث للبلوريال فيمينا كومون دي ابو هارون ولكن الجمله نعم عفوا هؤلاء النساء ذوات مال كثير. احسنت. اذا هكذا نقول. التمرين العاشر ادخل لعل على الجمل الاتيه علما بان لعل من اخوات ان. دونك maintenant on doit ajouter la alla sur les phrases suivantes. Et la alla, on a dit qu'elle partit de inna. Hein? Ils sont en nombre de 6. On a parlé sur inna, et là, c'est la alla. La alla, harf, taraji, wanasm. Harf ou taraji, wanasm. C'est un particule qui donne le sens de l'espoir. Taraji, c'est l'espoir. Ou un nasb, c'est-à-dire, comme on a dit dans Inna, il fait le même travail de Inna. Yamsib al-ism, ou yarfa'u al-khabar. Yamsib al-ism, yani yaj'al al-ism mansoub, ou al-khabar marfou'. Idhan al-jumla al-oula, Mohamed ben Ali, huwa bi-khayrin, Abu Khadija, hum bi-khayrin, na'am, la'alla hum bi-khayrin. Ibrahim Abu Abdillah, هي بخير. محمد لامين هن بخير. أبو بشير أنت بخير. إبراهيم أنتم بخير. نعم. كريم أنت بخير أو أنت عفوا أنت بخير. لعلك بخير. نعم. ابن الزبير أنتن بخير. لعلكن بخير. أبو عبد الله أنا ناجح. أنا ناجح. لعلي ناجح. طيب أحمد الريفي نحن ناجحون. أحمد الريفي نحن. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit il faut prendre note. نعم. نعم محمد أحمد الريفي. نحن ناجحون. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Nahnu? Abu Muhammad. Najihuna, Najihuna. Nahnu Najihuna. Ajoute la Alla. Et mets à la place Nahnu. On a dit que on remplace les pronoms détachés par un pronom attaché. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Nahnu? On a fait tout un exercice, on a fait 9 phrases. Hua bi khayrin, on a dit la'allahu, on a remplacé hua par hu. La'allahu bi khayrin. Hum bi khayrin, on a remplacé hum par hum, on a dit la'allahum bi khayrin. Hiya bi khayrin, on a dit la'allaha bi khayrin, on a remplacé hiya par ha. Anta bi khayrin, on a dit la'allaka bi khayrin, on a remplacé anta par ka. Donc, au moment, c'est clair. On remplace le pronom par un autre pronom. Nahnu najihuna, on remplace nahnu par un pronom attaché. Et on dit, comment on dit? Karim. Na'am. La'allana najihuna. On remplace nahnu par na, comme on a dit dans l'exercice, yani numéro 1 et 2. Tayyib. La phrase 11. Ibrahima. Al-Mudiru, fi ghurfatihi. Al-Ikhtibaru, سهل ابن الزبير نعم لعل الاختبار سهل التمرين الحادي عشر الاكزرسيس 11 اقرأ المثلين ثم أكمل الجمل الآتية بوضع غال أو غالية في الأماكن الخالية إذن غال هذا للمذكر pour le masculin on dit غال غال veut dire c'est cher والمؤنث le féminin on dit غالية المثال الأول هذا القلم غال ولكن كلمة غال أصله غالي غالي ولكن لا نقول غالي نقول غال pour des raisons on va les voir après inshallah ou bien plus tard هذه الساعة on dit غالية أبو هارون الجملة الأولى كريم الجملة الثالثة أبو عبد الله المعجم المعجم هذا المعجم طيب الجملة الرابعة محمد الأمين تمرين الثاني عشر اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية بعد ذلك اكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف donc faut lire les deux exemples et après on doit faire l'exercice et on lit les nombres en lettres المثال الأول بخمي إكزامبل مئة رجل ونقول مئة امرأة le nombre مئة le nombre 100 il ne change pas avec le masculin et avec le féminin il reste le même c'est pas comme on a vu dans le tome 1 le nombre de 3 à 10 يعني, la règle c'est ce sera le contraire entre le nombre et le dénombré Non, pour le nombre 100, il reste le même avec le masculin et le féminin. On dit mi'atu rajulin, au féminin on dit mi'atu mra'atin. Kadhalik, c'est pareil pour 1000. On dit alf rajulin et on dit alf mra'atin. Il ne change pas aussi. Idhan naqra hadhihi al-jumal. Al-jumla la, Abu Ibrahim. Abu Abdillah Ibrahim. Muhammad bin Ali. محمد بن علي عندي ألف دولار الاسم الذي يأتي بعد العدد le nom qui vient après le nombre 100 et 1000 il sera مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور أبو بشير on a fille regarde fille ابن الزبير أبو هارون التمرين الثالث عشر كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Il faut construire des phrases avec ces mots. ذكيٌ qui nous donne une phrase avec le mot ذكيٌ. كريم. كريم. جملة فيها اسم فيها ذكيٌ. نعم هذا رجل ذكي جدا. نعم هذا الرجل ذكي جدا. طيب مئة. إبراهيم. هذه البقرة بمئة ريال متزوج كي ندون إن فخاز avec le mot متزوج أنا سأل ابن الزبير تفضل الطالب الجديد متزوج طيب عزب كي ندون إن فخاز avec le mot عزب نعم تفضل الطالب الذي في المدرسة عزب طيب خلق تفضل الرجل لا لا نقول الرجل خلق، نقول الرجل ذو خلق. دولار، من يأتي بجملة فيها كلمة دولار كي peut nous donner une phrase avec le mot دولار. نعم أبو بشير أحسنت أحسنت. عندي ألف دولار في جيبي. إي غال، تفضل أحمد. إن هذا الكتاب غال. أحسنتم. الكلمات الجديدة، ذكي جمعه أذكياء، ما معنى ذكي؟ انتليجان. نعم. غبي جمعه أغبياء، c'est pas غني، غبي. stupide. نعم، c'est le contraire de ذكي. C'est le contraire de dhakiyun. Khuluqun jamuhu akhlaqun. Mi'atun. Cent. Alfun. Rubiyatun jamuhu rubiyatun. C'est le roupi. Mutazawijun. Marié. Azabun jamuhu azabun. Célibataire. Célibataire. يهودي جمعه يهود. جويف. معجم جمعه معاجم. دولار جمعه دولارات. نعم، ديفيز أمريكا. صفحة جمعه صفحات. باج. ناجح جمعه ناجحون. غيسي، ناجح سي غيسي. غال شاغ. كم جمعه أكمام. لا مانش دي فيست وبيا لا مانش دي تريكو وبيا دو ها لا شوميز وبيا. هذا ما جاء في هذا الدرس، والله أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.